favorite music 24/7. Bonjour, hello, beauté, bienvenue sur Rock City FM en direct de la Cannes 2019, une fois de plus avec Queen, Nathalie Makoma. Nous recevons Poison Mobutu et sa team préférée, le Léopard de la RDC. Oh, the market makers in the beat. Tout à l'heure, tu l'es loin de Bolo. Yeah, bonne combat, t'as saigné ma papa Nicolo. On a gagné. Pas du cinéma, ce monde a 13 lois, tous au sala le kumamboka, Fimbo sur le terrain on fait la razia, Bakambu en compte sur toi, Marcel qui sont le choix, go match, Moulumbu chancel Mbemba, Yannick Bolasi, photo pour marche, Ibengue, Coaché, nous c'est là, RDC, on a gagné. C'est des bakambu, c'est le cas, j'aime la vie, son nom d'apoto ganga sika. Parfa manana, yoga, awa, kumula, sema. Yema, yema, yema, yema, yema, yema, yema, mama. Je suis un léopard, je possède de la peau dorée. Tire de mes taches noires, yamwa de ma kata RDC. Kumpe ya le loto, boke ne nango. Jonathan Polingi, ah, kumpe ya le lo. Anthony Monsi, RD Congo indivisible, mais Léopard imprévisible. Pour nos noms indescriptibles, comme les trois sont nous sommes invincibles. En plus que je serai invisible, invisible. Nous ne coupons pas la tokené liboso, ne boliboso pas comme ma basoso. Nous ne coupons pas la tokené liboso, ne boliboso pas comme ma basoso. Que je te laïe mouené, motivé par nos voix. Tango bilombe yamboka, basangani yolongo. Elingi kolo bake bitumbe za makasi yoyoyo. Bakambo usakana nango, keba non nyata palo. Kutu trezora nyati balance. C'est nous les plus forts, ça, ça. J'ai dit c'est nous les plus forts, ça, ça.